for this. Sa mère, Tikevin et Ames, le beat est salmé, on vient lui niquer sa mère. Si si c'est ça même pour les soldats, pour faire bouger nos gars, on attend pas que le DJ se ramène. Devinez-moi mec, Golo Quint et Ames, le beat est salmé, on vient lui flinguer sa mère. Si si c'est ça même pour les soldats, pour faire bouger nos gars, on n'attend pas que le DJ se ramène. Enclenche et je balance ta sauce, mais n'attendez pas de moi, j'arrange la zone. J'ai du mal avec ma life, alors celle des autres. Faut être malade dehors, celle des ordres, l'escalade. Les jeunes sont des faux. Mais crois-moi, les vrais temps de sable se cachent dans le bureau, sur les transats, mais pas dans les halls. Tu savais pas, les plus grosses transats, les vins se font dans les yachts, mais pas dans les zones. Kefa entend les nôtres, SANM, Black Panther et Lion du désert réunis. Colo Quint et Ké, un flow qui sort du geyser et une rime. Chargé dans les feuilles comme dans le holster. Très bon dans les halls, classé dans les hautes sphères. Ça est même, frérot. Tu pouvais pas deviner ça, mec. Tikevin et Ames, le beat est salmé, on vient lui niquer sa mère. Si si c'est ça même pour les soldats, pour faire bouger nos gars, on n'attend pas que le DJ se ramène. Devinez-moi, mec, Golo Quint et Ames, le beat est salmé, on vient lui flinguer sa mère. Si si c'est ça même pour les soldats, pour faire bouger nos gars, on n'attend pas que le DJ se ramène. Non, c'est ça, ton équipe, tes potos gênés, ton style, ton flow, tu fêlais. Mais là, t'es face aux jeunes de ballon, des chants. C'est ballon dans ce monde mégalo. C'est à la fin du match qu'on échange des maillots. Là c'est juste la sauce, Arisax, je mélange pas la mayo. Qui redonne du goût, du sang à ta sono. Zama, ça rappe, ça taffe, ça se casse le dos. Tu as les mêmes qui vident pas, c'est faux. Rien à foutre que mon style vous plaise. C'est valorise, position, tir groupé. On vise pas les femmes et les enfants qui jouent à la petite poupée. Tu pouvais pas deviner ça, mec. Tikevin et Ames, le beat est salmé, on vient lui niquer sa mère. Si si c'est ça même pour les soldats, pour faire bouger nos gars, on n'attend pas que le DJ se ramène. Devinez-moi, mec, Golo Quint et Ames, le beat est salmé, on vient lui flinguer sa mère. Si si c'est ça même pour les soldats, pour faire bouger nos gars, on n'attend pas que le DJ se ramène. Écoute, je t'explique, je fais ma zig tranquille. Je m'en fous ton trip, tes strings ou ta clique. Le but, petite pute, juste tu te prennes mes titres. Lève et crie, les MC se blessent, y'a beaucoup de pertes face à une telle maîtrise. Attire la foule, comme la fouf, t'as senti la poudre. Je peux pas me voir, ceux qui pratiquent la fouille. Rien à foutre, y'a que Dieu qui me protège, personne qui proteste. Mes frères lèvent les mains comme s'ils brandissaient la foule. Dégage avec ta clique de pute, mon équipe te tue. Normal mec, c'est le style de rue. Nous on change pas, on s'adapte. On chante pas, on s'avate. On se fout dans l'obscurité comme un Shabbat. Tu l'as mérité, ruelles sombres et cruelles sont. Comme les embrouilles, je suis souvent là où les thunes elles sont. Pluie de douille, j'ai zappé en noir. Normal, j'ai tué le son.